pour la première fois en France, on n'est pas des SDF. Il y a la vieille et son chien, toujours à la même heure. Les gens qui partent d'ici, pour Bruges ou pour ailleurs. Regarde le petit nain qu'on aperçoit le matin. Et le monsieur en noir, déguisé en costard. Il y a la vieille et son chien, toujours à la même heure. Et pourtant on la tient, tant que c'est la misère. Jusqu'à ce qu'un de nos amis, qu'on aperçoit le matin. Et dans une petite pièce, un billet, on a faim. Il y a la grève de la faim, pour nous c'est pas volontaire. Et pourtant on la tient, tant que c'est la misère. Jusqu'à ce qu'un de nos amis, avant de prendre son train, dans une petite pièce, un billet, on a faim. Oh, il y a la vieille et son chien, toujours à la même heure. Les gens qui participent pour Bruges ou pour ailleurs. Jusqu'à ce qu'un petit nain, avant de prendre son train, monsieur le tient déguisé en costard. On a faim, on a faim, on a faim, on a faim. On n'est pas des SDF, nous on a un logis, tu le sais. Regarde cette gare, notre maison est ici. Oh, on n'est pas des SDF, nous on a un logis. Oh yeah. Regarde cette gare, notre maison est ici. Solo. La vraie SDF, nous on a un logis. Regarde cette gare, notre maison est ici. On n'est pas des SDF, on a un logis. Regarde cette gare, notre maison.